silence. Chaque mot déforme et perd son sens, mais Ryder's Kill reste entier. Un feu sincère, jamais brisé. Chaque reflet révèle leur cicatrice. Leur voix s'égare dans le vent. Leur cendre tombe, je reste vivant. Moi je ne plie pas, je reste droit. Franc et sincère devant vos lois. Red Skill ne triche jamais. Chaque mot gravé, chaque fait. Je marche droit dans ma flamme, honnête, sincère, j'avance sans drame. Rider's Kill renaît sans détour, un phénix forgé dans l'amour. Ashes fall, but I still rise. Songe nous.